Salut Yael. Salut Christelle. Et on n'est pas des putafranges. C'est clair. Et on va leur dire. Ok. Parle à ma main. Tu fais trop pitié, tu me saoules, vas-y, parle à ma main. Si t'as pas compris, ça veut dire oublie-moi. Je t'écoute pas, t'existes pas, donc vas-y, parle à ma main. Si t'as pas compris, ça veut dire non merci. Avec mes billages, je me déhanche dans la rue. Bébé Pierre. Mademoiselle, t'es charmante, ça te dirait une glace à la menthe. Pays, pas intéressé. Tu fais trop pitié, tu me saoules, vas-y, parle à ma main. Si t'as pas compris, ça veut dire oublie-moi. Je t'écoute pas, t'existes pas, donc vas-y, parle à ma main. Si t'as pas compris, ça veut dire non merci. Parle à ma main, c'est bon, tu me lâches. Parle à ma main, maintenant dégage. Les mecs ils sont tous nuls. Ah ouais. Les mecs ils sont tous nuls. Ah ouais. Les mecs, ouais. Les mecs, ouais. Les mecs ils sont tous nuls. Ah, quoi? Les mecs ils sont tous nuls. Ils pensent qu'à nous mettre des doigts. Ah, ils font que nous tromper. Je l'ai lu dans le disque à Vita. Mes parents aussi ils sont trop pas OP. Ils veulent pas que je fume et ils veulent même pas divorcer. J'en ai vraiment marre d'être leur bouc émissaire. Ils comprennent pas que pour survivre j'ai besoin. CDIC, ça craint. Tu fais trop pitié, tu me saoules, vas-y, parle à ma main. Si t'as pas compris, ça veut dire oublie-moi. Je t'écoute pas, t'existes pas, donc vas-y, parle à ma main. Si t'as pas compris, ça veut dire non merci. Parle à ma main, c'est bon, tu me lâches. Parle à ma main, maintenant dégage. Parle à ma main, c'est bon, tu me lâches. Ah là là, la gueule.